Matawina, je m'appelle Monsieur Karim Zraibi. Je travaille à Beur FM et je suis député de la République. Ah oui, avec ton accent de Marseillais, Je ça se voit suis que tu viens. aussi employé chez Monsieur Hanouna et Beur FM, la superbe radio Beur FM. Et je voudrais vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Matawina. Premièrement, je connais un peu l'arabe. Mon arrière-grand-père était harki. Je voudrais demander qu'est-ce que ça veut dire, Zeko. Zeko, Zeko, de quoi vous parlez là? Ben moi j'arrive déjà pas à te classer. Est-ce que tu uses un français d'origine algérien ou un Monsieur, algérien d'origine monsieur, français? monsieur Hassan, J'arrive pas. monsieur Hassan, je remarque que vous êtes marocain. Et les Marocains, ce sont nos amis. Mais vous vivez dans le Moyen-Âge. Donc, s'il vous plaît, ne parlez pas, vous êtes analphabète. Donc, monsieur Matawina, en tant que député. Permettez-moi, écoutez, Oh là permettez-moi de là, vous le Corse, il est couper. là. Monsieur le Ouais, Corse, permettez-moi de laissez-moi vous. C'est le tranquille. corps, c'est nous, mais d'où je m'appelle? Monsieur Matawina, moi j'ai une question. Vous n'avez pas parlé de Jean Honte, t'as Bomber. loupé le space de l'année, hein, je te le dis. Non, non, non. Donc, je demande à monsieur Matawina, vous n'avez pas parlé de Jean Bomber. C'est quand même un plat que nous apprécions, nous, les Algériens. Mais en fait, chez nous, les Algériens, on ne dit pas ça, le jambon beurre. Oh, On appelle les ça. Marocains, libérez-vous Je de cet vous arrête tout de archaïsme. suite, Libérez-vous de cet monsieur, archaïsme, de cette civilisation monsieur de 2000 Matawina, ans je. et Non, non, mais retournez je à la tenais. Rechta. S'il vous plaît, je tenais à rassurer nos auditeurs musulmans de la mosquée de Paris, c'est que L'islam de France, l'islam de la tranche France. de jambon, c'est une tranche de jambon d'Inde, Isla Bonita halal. Voilà, fais couler le rouge, et c'est très bien. Tu m'as mis Je une sais pas demi, ce tu me mets une pinte, tiens, voilà, mets-moi une pinte. Et Comment? celui qui s'est mis, et celui qui s'est mis un verre du Etei, là, franchement. Ah, c'est une Mais qu'est-ce pinte, que mais qu'est-ce que c'est? tu racontes, Mais là-haut? qu'est-ce que c'est, Etei? C'est une Moi, je connais pinte, que le eh Sidi ben Belabès. c'est une pinte. Mais C'est notre nous, du mode, Sidi c'est le Belabès. prénom.